بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل بحول الله سبحانه وتعالى notre tafsir de sourate Ash-Shams. Nous avions expliqué lors du dernier cours, les deux premiers versets, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. On a dit qu'ils étaient connectés l'un avec l'autre dans la mesure où Allah Azza wa Jal mentionne d'un côté Ash-Shams, le soleil, puis ensuite la lune, qui sont par opposition. Lorsque le soleil, Allah jure par le soleil, et par le fait qu'il éclaire, et sa clarté, et ensuite il jure par la lune, et le fait qu'elle le suit. On avait expliqué cela en détail lors du dernier cours. ثم قال الله سبحانه وتعالى ونهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces deux versets. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. Vient en relation avec l'autre verset. وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. D'accord, les deux versets sont en relation dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala jure par le jour et ensuite il jure par la nuit, qui sont en opposition aussi. والنهار إذا جلاها يعني إذا جل الأرض وبينها ووضحها لأنه نهار تتبين به الأشياء وتتضح. C'est-à-dire, et par la nuit, et par le jour, lorsqu'elle vient éclaircir la terre. Ou lorsqu'il vient éclaircir la terre, le jour vient afin d'éclairer et de clarifier ce qu'il y a sur la terre. En effet, quand le jour vient, les choses sur terre deviennent observables, deviennent apparentes, et deviennent visibles du fait de la journée. والليل إذا يغشاها. Et la nuit, lorsqu'elle l'enveloppe, c'est-à-dire elle enveloppe quoi ? La terre. حتى يكون كالعباء المفروشة على شيء من الأشياء وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك لأنك أنت الآن تشاهد الشمس لارتفاعك لكن الأرض التي تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطى بعباءة سوداء. Et lorsque la lune, pardon, lorsque la nuit enveloppe la terre, elle l'enveloppe comme un manteau, comme un drap. Et ça, ici, le Shir nous donne un exemple qui vient clarifier et qui vient nous montrer de façon claire le sens de ce verset. Il dit ceci devient évident de façon sans aucun doute lorsque le soleil disparaît et que tu te trouves dans un avion. Hein, ceux qui ont déjà pris l'avion, hein, ils sont dans l'avion et le soleil disparaît. Tu vois que la terre en dessous de toi, elle est enveloppée. Elle est couverte par quoi ? Par la noirceur, par l'obscurité de la nuit. Alors que toi, tu vois le soleil. Pourquoi ? Parce que toi, tu es en l'air. Tu es élevé. Et tu regardes en dessous de toi et tu vois la terre enveloppée par la nuit. Et ceux qui ont pris l'avion à ce moment-là savent très bien de quoi le shir parle. Et même, vous pouvez voir des vidéos, des photos, des vidéos que certains prennent avec leur téléphone qui montrent cela. Et donc, tu vois le soleil et tu vois qu'en dessous de toi, la terre, hein, le soleil est parti et c'est tout noir. Annie, elle a été enveloppée comme un manteau, hein, ou comme un drap qui enveloppe la terre. ثم قال عز وجل والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Ensuite, il mentionne encore deux versets qui vont ensemble. Hein? As-sama wal-ard mutaqabilat. Mutaqabilat. Yani le ciel et la terre, hein, pareil, ils sont de manière opposée. Hein? Was-sama wa ma banaha qala al-mufassirun innama huna masdariyah. أي والسماء وبنائها لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها. Et donc ici, Allah Azza wa Jal jure par le ciel, hein, et par son édification, sa construction. Hein? Car comme vous le savez, le ciel, hein, est une créature extraordinaire, exceptionnelle, de par son élévation, de par sa largesse, hein, de par la force du ciel, la puissance du ciel comme Allah Azza wa Jalla l'a créé. Et donc tout ceci qui nous montre que le ciel fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك بناؤها بناه محكم كما قال تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. Et la construction ou l'édification du ciel, elle est parfaitement finie. Elle est parfaitement adaptée. Comme Allah tabaraka wa ta'ala mentionne dans Surat Al-Mulk. Et tu ne verras dans la création d'Ar-Rahman, yani d'Allah, hein, aucune disproportion. Retourne ton regard. Est-ce que tu vois une quelconque fissure ? Est-ce qu'on voit le soleil, le ciel, hein, il est craqué, hein, il y a un trou dedans, là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ici mentionne, hein, l'édification parfaite, hein, du ciel. والأرض وما طحاها يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية صلبة جدا. Et ensuite Allah Azza wa Jalla jure par quoi? Par la terre. Et comment il l'a aplani, ou comment il l'a agencé de façon plane. Et il n'a pas fait la terre trop molle, hein, ni trop dur, mais il l'a fait bal hiya munasibatun lil khalq ala hasabi ma taqumu bihi hawaijihim wa hawaijuhum, mais plutôt il a fait la terre en accordance, ou en accord plutôt, avec les besoins des créatures. Imaginez-vous, la terre, ça serait hein, comme du chewing-gum. Tu marches, on ne pourrait pas marcher dessus, on ne pourrait pas rouler dessus, on ne pourrait pas construire, parce que la terre, elle est molle. Et pareil, imaginez-vous, la terre, c'est que du fer. Impossible de creuser, impossible de planter, impossible d'aller de faire des constructions dans la terre, par exemple, pour certains besoins. Mais plutôt, Allah Azza wa Jalla, il a fait de la terre hein, adaptée aux besoins des créatures. Allahu Akbar. Regardez. Regardez la terre, comment elle est. On y plante des graines pour avoir à manger. De la terre jaillit de l'eau pour boire. On peut y faire des constructions. Hein, on peut creuser un puits. Hein, on peut rouler dessus. On peut marcher. Allahu Akbar. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين والخشونة إلا في مواضع لكن هذا القليل لا يحكم به على الكثير. Il a dit, ceci fait partie des faveurs et des bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs. Le fait qu'il a façonné la terre et qu'il l'a rendue entre un molle et dur. Hein? Excepté, nous dit ici le chir, dans certains endroits. Tu vois, dans certains endroits, la terre, hein, à la terre, on ne peut pas marcher dessus, hein, comme les marécages ou les sables mouvants. Hein? Ou alors, des fois, c'est tellement dur, il n'arrive pas à creuser, par exemple. Mais ça, c'est dans certains petits, c'est des endroits qui sont minimes par rapport au reste de la terre. Et donc, on ne juge pas, on ne donne pas de jugement sur le peu de choses, contrairement à la majorité. Barakallahu fik. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Donc là, Allah azza wa jalla, il a juré par quoi? Ash-shams. Hein? والشمس وضحاها ها والقمر القمر والنهار والليل والسماء والارض ها ونفس وما سواها. Regardez, il jure par toutes ces créatures. Allah subhanahu wa ta'ala jure par toutes ces créatures et il termine de jurer par hein, par l'âme hein. نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم. Là il jure par l'âme, même si ici c'est au singulier, ce qu'il veut c'est toutes les âmes de l'être humain. Hein? يعني كل نفس, chaque âme. وما سواها يعني سواها خلقة وسواها فطرة. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala il a façonné l'âme? Il l'a façonné hein, dans son apparence et aussi dans quoi? Dans sa fitra. Ah, fitra. Un long débat sur comment traduire fitra, on avait déjà parlé. Hein? Wallahu a'lam, en ce qui me concerne, je pense que la meilleure traduction pour fitra, c'est l'innéité. Hein? Le fait que ce soit inné. Ce qui est inné dans la personne. Certains traduisent par la saine nature hein, ou. Il y a quoi comme d'autres traductions? Ouais, la saine nature, etc. Mais hein, la saine nature peut être compris d'une mauvaise compréhension. Hein, certains peuvent voir quelque chose comme la nature hein, qui gère les choses. Non. L'innéité, yani le fait que ça soit inné dans la personne, c'est inné. Quand l'enfant naît, c'est inné en lui la fitra. C'est en lui, c'est instinctif. Hein? Al-Muhim. سواها خلقة حيث خلق كل شيء خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله وحاله. Il a donc façonné cette âme hein, afin que ou dans la mesure où il a créé chaque chose hein, dans la, sur l'as, ou dans l'as, selon l'aspect qui correspond à cette chose. Et aussi qui correspond à la situation. فقال الله سبحانه وتعالى الذي الذي أعطى كل شيء خلقه عفوا أي خلقه المناسب له. الله سبحانه وتعالى c'est celui qui a donné à toute chose une forme, une nature ou quelque chose qui correspond à celle-ci. ثم هدى, ensuite il l'a guidé, comme dans sourate Taha. C'est-à-dire, il l'a guidé, il l'a dirigé vers quoi? Vers ses besoins, vers son âme, vers ses intérêts. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Également, Allah il a façonné cette âme avec la fitra, l'inéité. Plus particulièrement pour l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa fitra sur quoi? Sur le culte exclusif à Allah azza wa jalla. Sur le tawhid, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا. Et donc tourne-toi, ou tourne ton visage sur la religion pure, quelque chose de inné, la fitra d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens, ou que Allah azza wa jalla a mis les gens dessus. Donc la fitra chez les gens, la base, ce qui est inné en eux, c'est quoi? C'est le tawhid. Et ça nous rappelle le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué quoi? Que chaque être humain qui naît, il naît sur l'islam, sur le tawhid, sur l'islam. Puis ensuite, c'est ses parents qui font de lui un juif, un chrétien, un adorateur du feu, etc. فَأَلْهَمَهَا أي الله عز وجل أَلْهَمَ هَذِي النُّفُوسِ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala inspire à ses âmes. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala inspire à ses âmes فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بَدَهَا بِالْفُجُور قَبْلِ التَّقْوَى مَعْنَا التَّقْوَى لَا شَكَّ أَفْضَل قَالُوا مُرَاعَةً لِلْفَوَاسِلِ الْآيَاتِ لِفَوَاسِلِ الْآيَاتِ. Ici, il mentionne qu'il a inspiré donc à ses âmes, Allah Azza wa Jalla a inspiré à ses âmes, soit al-fujur, et on va voir c'est quoi al-fujur, soit al-taqwa. Al-taqwa, on a déjà vu. Al-fujur, c'est le contraire de taqwa. La désobéissance à Allah. Donc Allah a insufflé ou a inspiré à ses âmes, soit la désobéissance, soit al-taqwa, l'obéissance. Et ici, Allah Azza wa Jalla, il commence par quoi? Fujur. Par la désobéissance, malgré le fait qu'il n'y a aucun doute que c'est quoi qui est meilleur? Taqwa. Et pourquoi il a commencé par Fujur? Ils disent ici les Mufassiroun, afin de préserver quoi? La fin des versets. Afin que les versets ils finissent avec la même lettre. Regardez. وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالْلَّيْلِ إِذَا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. S'il avait mis فجورها à la fin, il n'y aurait pas eu la même continuité dans la fin dans les terminaisons des vers, n'est-ce pas? Des versets, pardon, astaghfirullah, des versets. والفجور هو ما يقابل التقوى. والتقوى طاعة الله. فالفجور معصية الله. Donc le fujour, hein, ici, le fujour, c'est ce qui contredit ou ce qui s'oppose à quoi? At-taqwa. Et donc at-taqwa, c'est quoi? L'obéissance à Allah. Le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fujour, c'est quoi? Le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. فَكُلُّ عَاصٍ فَوَا فَاجِرٍ. Donc tous ceux qui désobéissent, toute personne désobéissant, il est considéré comme fajir, celui qui tombe dans al-fujur. Wa in kana al-fajir khassa 'urfan bi annahu man laysa bi 'afif. Malgré le fait que le fajir, on pourrait traduire par le pervers, hein, il est connu, hein, chez les gens comme étant celui qui n'est pas chaste. Celui qui n'est pas chaste, c'est celui qui ne préserve pas sa chasteté, c'est-à-dire, hein, qui fornique, qui a recours à la fornication. Hein, malgré ceci, لكن هو شرعا يعم كل من يعم كل من خرج عن طاعة الله. Mais dans la législation, le pervers, hein, al-fajir, il englobe tous ceux qui sortent de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le dalil? Le dalil, vous le connaissez, hein? J'ai dit quoi? Astaghfirullah. Qui sort de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui rentre dans, hein, la désobéissance, yani sabqul lisan, afwan. Et le dalil, c'est quoi? Vous le connaissez tous. Kalla inna kitab al-fujjar la fi sijjin. Hein? La preuve, c'est ce verset que vous connaissez tous. Hein? Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais plutôt, ou certes, les livres des fujjar, qui est le pluriel de fajir, de pervers, hein, seront fissidjin. Et donc ici, al-fujjar, c'est quoi le mourad? Al-kuffar. Ici, c'est pas seulement les pervers, hein, ni ceux qui n'ont pas préservé leur chasteté, qui ont forniqué à droite et à gauche. Non, ça englobe tout le monde. Hein? Et j'ouvre une parenthèse sur sidjin, même al-sidjin. Hein? Al-sidjin, al-mahal al-dayyik. Al-sidjin, c'est un endroit qui est étroit. D'accord? وقد قيل السجين هو اسفل واسفل الارض السابعه ماوى الفجار. Il est rapporté, hein, comme on dit les mufassirun, que السجين, c'est le plus bas de la septième terre. C'est le plus bas de la septième terre et c'est l'endroit où se retrouveront les fujjar, yani les kuffar, les mécréants. وقيل هي صخره تحت الارض السفلى. Et il est rapporté aussi, il y en a, ils ont dit, parmi les mufassirin, hein, des salaf, ils ont dit que sijin, hein, c'est une pierre, hein, qui est sous la dernière terre, sous la terre la plus basse, hein, et qui, hein, qui se retourne et sous lesquels on met les livres des fujjar. Et ça, on va le voir plus en détail dans surat El المتففين, ها لوز فيرسيه المتففين. نعم. وإلهامها تقواها هو الموافق للفطرة. Et donc lorsque Allah inspire à l'âme à taqwa, c'est ça qui vient correspondre à quoi? À la fitra. On a dit que la fitra, c'est quoi? L'obéissance, le tawhid, hein, le culte exclusif à Allah. Ça, c'est ce qui correspond donc à la fitra. Pourquoi? Parce que la perversité, la désobéissance à Allah, ça, c'est quoi? Ça sort de la fitra. C'est pas ce qui est normal. C'est pas ce qui est inné en la personne. لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها لقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله أكبر. Mais il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala inspire à certaines âmes, à certaines personnes, hein, la déviation. Et ceci en accord avec la parole d'Allah dans surat As-Saff, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux sens approchés, et lorsqu'ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. Wallahu ta'ala la yadhlimu ahadan, lakin min ilmin minhu annahu la yuridu al-haq أزاغ الله قلبه. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait preuve d'aucune injustice envers personne. Mais Allah, de par une science qu'il possède, et vous savez qu'Allah a la science parfaite, il sait que cette personne ne veut pas la vérité. Alors Allah dévie son cœur. Allahu Akbar. As'alullah al-thabat. Non. Non. Non. Et Allah. Non, la fin du verset. Est-ce que Chir, il n'a pas mentionné la fin du verset? Non. Non, non. Et Allah ne guide pas un peuple dévoyé, qui s'est écarté du droit chemin, qui vient appuyer le fait que c'est eux qui sont dévoyés. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dévié leur cœur dû à leur déviance. قد أفلح من زكاها قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. Et donc قد أفلح, ça on le voit dans beaucoup dans le Coran, il y a dans beaucoup de sourates, c'est-à-dire qu'il a triomphé sur ce qui a, il a réussi ce sur quoi il a été, on lui a demandé, et il a, et s'est écarté, il a été épargné, de quoi, il a été sauvé de ce qu'il est, de ce qu'il était interdit, de ce qu'on ne devait pas faire. D'accord ? Man zakkaha. Ay, man zakka nafsahu. Celui qui a purifié quoi ? Sa propre personne. Wa laysa al-murad bit-taskiya huna taskiyatu al-manhi 'anha fi qawlihi fala tuzakku anfusakum. Ici, le sens de taskiya, ce n'est pas le sens qui est interdit. Ce qui est un sens qui est interdit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne vantez pas vos propres personnes. » Le fait de se vanter, de faire ses propres éloges, sa propre taskiya. Un taskiya, on entend souvent le mot, par exemple, « Je te fais une taskiya. » Je te fais une recommandation. Je recommande telle personne. Je recommande mon frère, il vient toujours à la mosquée. Il est assidu au cours. C'est quelqu'un qui a un bon comportement, etc. Donc, je lui fais une taskiya. Donc Allah nous a interdit de faire des taskiyas de nous-mêmes, de faire les éloges de nos propres personnes. Mais ici, ce n'est pas ce qui est voulu. Ici, ce qui est voulu, le murad bi taskiyahuna an yuzakkiya nafsahu bi ikhlasiha min ash-shirk wa shawa'ib al-ma'asi. Ici, ce qui est voulu, c'est qu'il purifie sa propre personne de quoi ? Pas avec quoi, je veux dire ? Avec le culte exclusif à Allah, en délaissant le shirk, et les péchés. حتى تبقى زكية طاهرة نقية, afin que son âme reste pure, elle reste absente de tout défaut, de toute impureté, de tout mal. وقد خاب من دساها أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان على طاعته وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعليك دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح, فإن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم نعم يرشدون. Et donc ensuite il dit et ceux qui ont perdu, et quant à ceux qui sont perdus, ceux qui ont été anéanti par quoi? Anéanti par par leur péché. Et ça, mes frères, ici le chien nous dit ça, on a besoin d'invoquer Allah. On a besoin d'invoquer Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse la personne sur son obéissance. Ne vous dites pas alhamdoulilah, moi c'est bon, je suis sur le tawhid, je suis sur la sunna, je suis sauvé, alhamdoulilah, j'attends que la mort. Non, On doit toujours demander à Allah qu'il nous raffermisse. Ceux qui étaient meilleurs que nous ont été égarés après avoir été guidés. Des milliers et des milliers avant nous ont été égarés après avoir été guidés. Des gens meilleurs que nous à la base. Donc personne n'est à l'abri. Et l'imam Ahmed, il a rapporté qu'imam Ahmed, toujours, hein, jusqu'à la fin de sa vie, il demandait à Allah Azzawajal de le raffermir et de le garder ferme sur la sunna. L'imam Ahmed, qui est l'imam Ahmed? Imam le sunna wal jama'a. Celui qui a été éprouvé et qui a tenu ferme, qui n'a pas tremblé. Allahu Akbar, il demandait, hein, il demandait d'être ferme jusqu'à sa mort. Et bien sûr, hein, même avant l'imam Ahmed Kid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant tout, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik », le prophète disait ça, il invoquait Allah, il disait « Oh toi qui tournes les cœurs, renforce mon cœur ou raffermis mon cœur sur ta religion ». Donc, ici, le chir nous dit, on doit toujours demander, hein, à Allah d'avoir une parole ferme dans cette dunya et dans l'akhira. Et donc, tu dois toujours demander à Allah, hein, la fermeté ou rester ferme sur ce que tu es, hein, sur le tawhid et la sunna. Demander à Allah la science bénéfique, hein, les œuvres pieuses. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, et s'il te demande, et si mes serviteurs te demandent à propos de moi, alors je suis proche, hein, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, lorsqu'il m'invoque. Hein? Alors répondez-moi, hein, et croyez en moi, et vous serez bien guidés. Subhanallah, ici, hein, regardez, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ici, un dalil sur quoi? Hein, le fait de ne pas invoquer autre qu'Allah. Comment ça? Dans tous les versets du Coran, lorsque vous voyez wa idha sa'alaka, hein, wa idha yas'alunaka anil khamr wal maisir, par exemple, hein, yas'alunaka anil anfal, etc., il te demande, après il dit quoi? Allah qul, dit, hein, quand il demande les choses, quand ils disent, quand Allah subhanahu wa ta'ala dans ses versets dit, il t'interroge sur telle ou telle chose, dis-leur, la réponse est telle et telle. Hein? Il t'interroge sur telle chose, dis-leur, la réponse est telle et telle. Mais là, quand il dit, il t'interroge, mes serviteurs t'interrogent sur moi. Là, c'est Allah. Est-ce qu'il lui a dit, dis, je suis proche? Non, directement, fais inni qarib. Là, il passe plus par le prophète, c'est directement inni qarib, je suis certes proche. Pour montrer que quand tu t'adresses à Allah, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu t'adresses à Allah directement, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une preuve forte contre ceux qui prennent, hein, des associés et des idoles ou qui invoquent autre qu'Allah. Hein? Et disant, non, mais moi, j'ai besoin d'intermédiaire entre moi et Allah, je ne peux pas aller à Allah direct. Comment ça, tu ne peux pas aller à Allah direct? Allah te dit, hein, « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ » Directement, il ne t'a pas dit « قُول فَإِنِّي قَرِيبٌ » Allahu Akbar. C'est quelle heure? Il reste combien de temps? Ah, khalas. On s'arrête là. On fera la dernière partie lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le peuple de Thamoud. Le peuple de Thamoud et l'histoire de la chamelle. جزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا